Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors que j'ai intitulé « Le sable est-il en danger ?» J'ai emprunté un article de Libération, cette chronique. Et oui, parce que le sable, ça paraît un matériau tellement anodin, et pourtant. Quel est le point commun entre un immeuble, la puce électronique de ton téléphone portable et une bouteille en verre? Ils sont tous fabriqués à partir de sable. Il ne permet pas seulement de construire de beaux châteaux, mais sert aussi à faire tout un tas de choses, comme du béton avec lequel on bâtit des immeubles ou des routes, par exemple. Mais aujourd'hui, le sable est en danger. Quand les roches qui constituent les montagnes sont abîmées par le vent, la pluie ou le gel, de tout petits morceaux se détachent. C'est comme ça que se forme le sable et les granulats, des débris plus gros que le sable. Ils sont transportés par les rivières et les fleuves jusque dans la mer. Ce phénomène peut prendre des centaines de milliers d'années. Problème, les humains consomment de plus en plus de sable et de granulats, plus que ce que la nature produit. Il y en a donc de moins en moins. Les entreprises qui ont besoin de sable ne peuvent pas utiliser celui du désert, parce qu'il est trop rond et trop lisse. Ils vont donc en chercher ailleurs, autour des fleuves par exemple, ou directement au fond de la mer. Elles utilisent, ces entreprises, de gros bateaux qui aspirent le sable, souvent pas très loin des plages, parce que ça coûte moins cher. Mais en faisant cela, elles risquent d'accélérer l'érosion naturelle du littoral, c'est-à-dire sa transformation et son usure. Il y a des échanges permanents entre le sable de la plage sur terre et celui de la plage sous la mer, explique Éric Chaumillon, professeur de géologie marine à l'Université de La Rochelle. Si on extrait du sable sous la mer, la plage sur terre ne peut plus se recharger seule. Conséquence, la plage peut reculer, voire disparaître. Cette situation est dangereuse parce que le sable et les granulats agissent comme une barrière naturelle. Les dunes et les plages sont une protection contre les vagues, indique Éric Chaumillon. C'est encore plus dangereux aujourd'hui parce que le niveau de la mer monte à cause du réchauffement climatique. Sans cette barrière, les inondations ou les tempêtes peuvent causer de gros dégâts. Si la mer recouvre les terres, ça devient impossible de les cultiver. En plus de ça, des animaux et des plantes qui vivent à l'intérieur et au-dessus du sable peuvent aussi être aspirés par les bateaux ou leur habitat peut être détruit. Les plages sont plus ou moins menacées dans le monde, car tous les pays n'ont pas les mêmes règles concernant l'extraction du sable. En France, avant d'en extraire, il faut étudier quel sera l'impact sur les animaux et la végétation. Par contre, on n'étudie pas quel sera l'impact sur l'érosion, ce qu'il faudrait absolument en faire. C'est ce que nuance Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer. Mais dans d'autres pays, les règles sont moins strictes. En plus des organisations criminelles qui ne les respectent pas, comme au Maroc ou en Inde par exemple, elles prélèvent ces organisations illégalement du sable, parfois directement sur les plages, et le vendent parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On appelle ça la mafia du sable. Pour protéger le sable, il faut changer nos habitudes, moins construire pour utiliser moins de béton ou recycler le vieux béton pour en faire du nouveau. Les scientifiques essayent aussi de créer des produits pour remplacer le sable à partir de cendres, par exemple. Voilà, j'ai fait référence à un article de Solène Sugier, qui est destiné en particulier aux enfants, puisque nous sommes en plein été, et bien sûr les plages, c'est de jouer, faire des châteaux de sable, etc. Et on peut toujours se demander bien, si notre humanité aura toujours assez de sable pour l'habitat, en particulier pour l'habitat, pour nos puces électroniques, etc., nos panneaux solaires, dans l'avenir. Voilà, il y a de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.